sais que j'ai ma place dans ce rap game business. Monte le niveau caché sans que la bêtise naisse. Booste mon estime et t'exprime. Frime, décime et casse dédié à PM pour mon ex-team. Renoir, Rapza, mêlé comme des pastas. Acclame tous le phénomène YP dans la plaza. Bon, le zar blasé, venu de la toundra. Le son qui te pique et t'électrocute comme un tunda. Mon hip-hop, toujours contestataire. Anti-cup, bref, ceux qui veulent qu'on reste à terre. Tous sur le départ, la rime en guise de starter. Faut payer ses impôts, vas-y, fais la bise au charter. J'rêve pas mes potes, taf, tous deviennent zibo. Les bourses pleines, moi j'ai la taille de gaz et le zippo. Gros, pas de soucis, suce ce sample de sourd. Pas de censure, check le son Bernsy. Hip-hop, hop, tra, tra, tra, j'ai dit. Passe-moi le son que je le masse sous ma parodie. Laisse-moi la place, mec, ton style est has-been. Repasse le casting et bouge sur ma tech, mec. Hip-hop, hop, tra, tra, tra, j'ai dit. Passe-moi le son que je le masse sous ma parodie. Laisse-moi la place, mec, ton style est has-been. Repasse le casting et bouge sur ma tech, mec. Le combat débarque et je frappe à la hongbac. Et j'arrive tonitruant comme le AK des All Blacks. Dehors marée haute et les pieds dans la flaque. Tout le monde se tape pour une place à la FNAC. C'est triste. Trop de faux artistes qui pissent de mon disque pour s'arracher les kystes. Ok, tous adeptes de Viking, de Taro et de K1, de Carré Home Jacking. Serre les becs et je fais le boss d'Amazon. J'pète tes points écrits comme un gosse d'Amazon. White people, le beat devient Laetitia Casta. Donc pas de questions à poser, moi je rentre dedans et basta. Pas de chouchou, chez nous c'est J-Star Academy. Des talents fâchés mais gâchés par le cannabis. Expert quand il faut passer du Ringo. Mike sur la tombe qui t'a tamponné le gringo. Hip-hop, hop, tra, tra, tra, j'ai dit. Passe-moi le son que je le masse sous ma parodie. Laisse-moi la place, mec, ton style est has-been. Repasse le casting et bouge sur ma tech, mec. Hip-hop, hop, tra, tra, tra, j'ai dit. Passe-moi le son que je le masse sous ma parodie. Laisse-moi la place, mec, ton style est has-been. Repasse le casting et bouge sur ma tech, mec. En fin de compte, j'kiffe voir les mines j'tonner. Ou les numbers sauce ou tes mâles et Kaira mi-j'tonner. Posé sur la vibe dans les squats et les olés. Donné par le style quand ma zig revient gauler. Antalgique dans la poche, j'avale contre sa grésille. Balafre les faux et les stergues en parésie. Baguillé, maquillé de bling bling qui brille. Et papy flip car j'ai l'œil sur ta fille. Passons, j'évite que ce bise ne périsse. Dans les gorges des tasses qu'il aspire au bout de mon pénis. Et je m'efforce de viser comme un striker. Le top hit que les ventes chialent sous mes Nike Air. C'est clair, j'ai vu la crime et je veux la gloire. Le bled à l'hexagone et la prime. Ma clique veut la voir. Ma life, mon cash, la basse et les tasses. Mais j'ai classé, me jacte pas de modifier mon aspect. Hip-hop, hop, tra, tra, tra, j'ai dit. Passe-moi le son que je le masse sous ma parodie. Laisse-moi la place, mec, ton style est has-been. Repasse le casting et bouge sur ma tech, mec. Hip-hop, hop, tra, tra, tra, j'ai dit. Passe-moi le son que je le masse sous ma parodie. Laisse-moi la place, mec, ton style est has-been. Repasse le casting et bouge sur ma tech, mec.